quand on a la méthode et les outils pour aller dans sa non, pour aller dans cette paix intérieure, dans cette bulle de bonheur, dans la béatitude, eh bien c'est facile d'y aller, c'est facile de se retrouver dans cette joie profonde, autant qu'on veut et aussi longtemps qu'on veut et partout quand on veut. Et puis quand on veut plus, c'est tout le temps, quoi. Et c'est facile, si on y va, on est dans ce sourire intérieur et on fait ce qu'on a à faire dans cet état de conscience. C'est merveilleux, c'est beau, c'est fantastique, c'est génial, si je peux dire ça comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai de vivre son existence, ce qu'on fait tous les jours, normalement, en ayant en plus cette conscience de la béatitude, cette conscience l'amour de Dieu en nous. Franchement, il n'y a rien de mieux, quoi. Il n'y a rien de mieux. Vraiment, c'est le nec plus ultra, comme on dit, quoi. De traverser l'existence comme ça et de se sentir aimé, de se sentir au bon endroit, de se sentir... De se sentir l'enfant de son père, de se sentir accompli, plein, comblé. Après, les aléas de la vie ne changent pas, mais ils ne nous affectent plus autant ou plus du tout. Et je peux vivre une vie non seulement harmonieuse, qui est énorme, mais c'est plutôt le contraire. C'est parce que je ne suis pas affectée par les événements, par les choses qui arrivent, que ma vie est harmonieuse. Parce que je baigne dans l'harmonie en étant dans la béatitude et que du coup, les choses se font, les choses se font bien et je suis confiante et heureuse d'être là et de vivre et peu importe qu'il fasse du soleil ou qu'il pleuve, que ce soit l'hiver ou l'été, peu m'importe. Je lisais l'autre jour un post sur Facebook de quelqu'un qui attendait avec impatience le retour de l'été, de pouvoir faire telle et telle activité, de pouvoir, etc., etc. Déjà, avec les canicules qu'on a, c'est de moins en moins agréable de se retrouver en été, je trouve, à mon goût. Et puis, peu importe, j'entends l'hiver a aussi ses bons côtés. Et quand on est dans cette paix intérieure, on s'en fiche, quoi. On s'en fiche. J'entends, on trouve que c'est beau, la nature est belle, la vie est belle, on est dans un état un peu euphorique, un peu amoureux, et quand on est amoureux, eh bien on voit la vie en rose, eh bien c'est ça, quand on est dans la béatitude, pour ma part je suis amoureuse de ce Saint-Nom, et la vie prend toute une autre couleur et je ne suis pas déçue, je ne suis jamais déçue et je n'ai pas peur qu'il me quitte un jour, je n'ai pas peur de ne pas lui plaire, je n'ai peur de rien, quoi. Il est là toujours, tout le temps, c'est à moi d'y aller, c'est à moi de pratiquer, d'observer les trois piliers, de pratiquer la technique du Saint-Nom pour y être. Point final, le Saint-Nom, lui, va pas me dire, non, bon, aujourd'hui, tu mérites pas d'être là hein, parce que tu m'as fait tel et tel coup. Non, non, lui, il est là toujours. Pareil à lui-même, se donnant à 100% et c'est moi qui vais. Au pire, c'est moi qui me dis que je ne le mérite pas et il y a bien longtemps que j'ai compris que ce n'était pas une bonne idée. Donc, je pratique et encore et toujours et je peux être dans cet état de conscience, dans cette bulle que je porte enfin je porte à l'intérieur de moi, mais c'est comme si je la portais sur mon dos et que je vais vaquer à mes occupations. C'est beaucoup mieux que de la porter sur mon dos, elle est à l'intérieur. Le Saint-Nom est à l'intérieur et je peux aller m'y plonger, mais n'importe quand, n'importe où. C'est fabuleux, quoi, c'est fabuleux. j'ai pas besoin d'attendre d'être à la maison, j'ai pas besoin d'attendre que telle et telle chose finisse pour pouvoir ensuite aller dans un nom si j'en ai besoin, si j'en ai envie. J'y vais là, comme ça, tout de suite. Évidemment, c'est pas forcément toujours évident, hein, mais théoriquement, c'est possible tout le temps. Et je me rends compte que plus je le fais au fil des ans, et eh bien plus c'est facile effectivement d'y aller dans toutes les conditions et dans toutes les circonstances. C'est bien évident, c'est comme tout, hein, quand on s'exerce, eh bien on y arrive mieux, c'est bien clair, hein. Et comme on est vivant, et eh bien c'est à notre portée, c'est à la portée de nous tous, de tout un chacun. Pas besoin d'être particulièrement doué, pas besoin d'être intelligent, pas besoin d'être cultivé, pas besoin de rien. Juste avoir envie, juste avoir besoin, avoir soif de cette béatitude, de cette paix, c'est suffisant. C'est suffisant et de pratiquer. De pratiquer parce que cette pratique, ce sont les outils qui nous permettent d'aller dans cette béatitude autant qu'on veut et quand on veut. C'est ça en fait, hein, c'est ça en fait. Et vraiment, on s'y sent tellement bien là. Je me rends compte que c'est comme ça qu'on doit vivre. Que c'est la bonne manière de vivre. Que c'est la bonne manière de voyager, de faire ce voyage de l'existence avant de retourner vers lui. Jesus, Chitana. Jesus.